Il est content. Et après, je sais plus ce qu'on a eu du coup. On a fait quoi après? Merci. Ah, ben après, on a fait le pavé chelou, non, là, avec leur traumatisme. Leur traumatisme. Et après, ouais, le pavé chelou. Et là, on vient de faire là, le. Tu quiz. Veux prendre la place de Kawan? Et du coup, là, ça serait. On est en retard sur la matinale. On est en retard sur la matinale, du et coup. On est en retard. Ok, la matinale. Est-ce que tu veux lancer la matinale? La matinale, moi, je suis très très chaud. Est-ce que tu veux venir faire les sons ou moi, tu veux je suis chaud. Je suis chaud. Les sons. Attends, est-ce que tu veux qu'on échange de micro pour que je mette la musique, Lina? Ouais. Yo. Vous êtes bien sur antenne. Voilà. Je quitte le game. Vous êtes bien sur la nuit anonyme et maintenant la matinale anonyme. Ça y est, animé par Vico putain de loco. Yo, qui est chaud. Yo, Il faut se réveiller, ça y est, on est chaud patate. On a passé une nuit d'enfer. On a dansé, on a chanté, on a fait du ukulélé. On a tout fait plein de trucs. Et là, ça y est, c'est l'heure. Attendez, il y a Mathias qui me fait un massage des pieds. Et ça y est, on va commencer cette matinale. Alors, qu'est-ce qu'il y a au planning? Il y a la météo par Dave. Dave qui va faire la météo. On va avoir les actualités par un peu tout le monde. On va voir la vie de tout le monde. Et on va appeler des gens au téléphone pour savoir quel est leur podcast préféré. Et aussi, le grand jeu de cette matinale, mon cher Victor. Ouais. Quel est-il? Est-ce que... Donc, c'est le jeu du stagiaire, ça consiste en fait... Le jeu du stagiaire. Alors... Kawan. Victor et moi, on va se disputer un peu le game des stages et du coup, on va appeler des gens, donc des sociétés, et on va essayer de trouver un stage le plus rapidement possible. Le stage. Je pense qu'on va attendre un petit peu. Mais on va aussi appeler des gens. Et là, il est l'heure, je pense, de faire un petit point route. Alors, au niveau des routes, Je mets bison futé. Alors, pour l'instant, on va faire une minute de court pub. C'est la pub. J'aime bien ce petit son de Lionel Richie en arrière-plan. Ouais, c'est vachement pas mal. Ouais, il y a All Night Long de Lionel Richie. Alors, je vous rappelle qu'il y a plein d'événements en ce moment sur Lille. Pour tous ceux qui nous écoutent à Lille, il y a la braderie de l'art qui se trouve à la condition publique de Roubaix, oui, très important, venez très nombreux, ambiance super sympatoche avec des artistes. Bon, d'accord, c'est pas dans les prix de tout le monde, mais au moins on peut voir les artistes à l'œuvre, c'est très très bien, très très très bien. Il y a aussi le truc international de skateboard de planche à roulettes au hall de glisse à Lille, donc allez-y si vous y avez le courage. Que des super événements. Ouais, wow. Aussi, oui. Lourd week-end. Lourd. Alors, je te dis les problèmes qu'il y a sur les routes. Oui, du s'il nord. Te plaît. Alors, sur l'A27, il y a des travaux de construction. Sur la D945, il y a une réfection de la voie chaussée. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce que c'est une réfection. Sur l'A23, il y a des travaux d'entretien. Ainsi que sur l'A16. Ouh, c'est un peu. Qui mène à Dunkerque, dédicace. D'accord. Sur la D957, il y a. La route est fermée pour les camions aussi, il y a un petit problème. Il est 6h46, c'est le morning des savoureux, dans la nuit anonyme. Enchanté. Et maintenant, place à la météo. La météo, d'après ce que je me souviens de la météo il y a deux jours, c'était. Il faisait beau. Aujourd'hui, on allait avoir un week-end de radio à peu près partout. Des chaleurs un peu plus douces, des douces un peu plus chaleureuses. On va avoir plein de bonnes choses ce week-end. De la pluie dans le nord, si je me trompe. On va avoir un soleil. Nuageux dans le nord, bien sûr. On va avoir un petit soleil sur à peu près toute la France, sauf dans le nord. Et voilà, il va avoir. Température qui oscille entre 5 et 17 degrés. 5 et 17 degrés. Pas pour nous, hein. Non, c'est pour l'ensemble de la France. L'ensemble. Et le nord, c'est 8 degrés et c'est un peu nuageux cet après-midi. Comme il y a plus de pollution à Paris, il fait un peu plus chaud. Voilà, c'était les points météo-route. Maintenant, nous allons parler des actualités. Actualité. Les actualités de ce matin, c'est simple. Il suffit d'écouter la nuit anonyme, la matinale anonyme, Victor animé par Victor, Raphaël animé par Raphaël aussi. Voilà. Alors, ce sont quoi les actualités ce matin? Qui est mort dans la nuit? Qu'est-ce que ce sont quoi ? Hein ? Voilà, c'est tout. On ne sait toujours pas où est... Le sergent Pepper. Le sergent Pepper, on ne le sait pas. C'est qui le sergent Pepper ? Tiens, t'es... Waouh ! Les Beatles, non ? Même moi qui n'aime pas les Beatles, je le sais. Ah oui, d'accord ! Voilà, voilà. Mais je cherche des vrais gens. Je suis hyper fatiguée, là. Alors, beaucoup de ta formation liée aux attentats... C'est vrai ? Ouais. Bah c'est cool. Voilà. Entre autres, la Chine, elle aide l'Afrique en injectant 60 milliards de dollars d'aide. Yes. C'est bon, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'aide. C'est les élections aussi ce week-end. C'est ouais. Les régionales, on en a parlé toute la nuit, donc n'oubliez pas d'aller voter. Donc là, le ton monte dans plusieurs régions, notamment en Auvergne ou au Languedoc-Roussillon. Attention, c'est la folie, hein. Et je te propose... Tu as fini tes actualités, bah, excuse-moi. Vas-y, parle. Ah, excuse-moi, non, mais j'allais passer à autre chose, puisqu'il y a notre petit moment où on met du son dans la matinale pour vous réveiller. Du sens dans tous les sons, du son dans tous les sens. Et voilà, là, voilà. C'est Stevie Wonder avec Superstition. D'accord. Superstition, Stevie Wonder. Je suis tombé de l'œil d'un vrai de l'œil. Ah, excusez-moi. Tu as spoilé. Et on est de retour pour le anonyme avec compagnie Victor, Eve, Jacques, Elliot et Lina. On est tous là, on est chaud. On va revenir un peu sur toute cette nuit qui s'est passée. Beaucoup de fatigue et beaucoup de lol, diront les jeunes plus tard. Lol. Ouais, bah moi je te propose de faire un débrief de ce qui s'est passé depuis 1h du matin, depuis exactement minuit, de quoi on a parlé. Je te laisse parler. Alors, il y a eu. Ouais, mais t'es méchant. Il y a eu le Stéphanie Time, on a parlé de beaucoup de cheveux et de. Comment on dit ? De tatouages. Ouais, de tatouages, de tout genre de choses et comment les gens le vivaient et tout. C'était très touchant. Et c'était très sincère aussi, je trouve. Comme témoignage, donc c'était grave cool. Ensuite, on a eu la magnifique Earth Star Wars. Yes. Animée par les meilleurs, les savoureux et Eve. C'était vachement grave cool. On a pu parler de plein de trucs de Star Wars et pas assez, malheureusement. Ouais, bien sûr. Ensuite, il y a eu le quiz musical animé par notre ami Kawan avec les reprises françaises improbables. Une heure qui est passée très très vite, oui. Notamment là-bas, dans les étoiles. Yes. Lourd. Ensuite, on a eu l'heure sexoporn. Alors moi, j'étais pas là, donc du coup, est-ce que c'était bien ? Oui. Ouais. C'était chaud ? J'ai appris un tas de trucs. Est-ce que c'était chaud ? Mathias est très chaud. Mathias, il est chaud ? Ouais, bah ça, on le savait. Mais Mathias, il va être chauve aussi. Hey, chauve qui peut. Ensuite, il y a eu. Ensuite, quand tout le monde est parti se coucher, il y a eu le Raps Time de Victor tout seul. Victor tout seul. Victor tout seul. Après, il y a eu, par décalage à cause de moi-même, il y a eu l'avis sur les traumatismes. Et donc, on en parlait quand on en parlait sur Stevie Wonder. Donc, c'est Dark Crystal, l'histoire sans fin. Généralement, tout ce qui est lié à des marionnettes ou des trucs un peu bizarres comme ça. Et c'est... Gloop, le petit poisson. Gloop. Ouais. Le film oui. Romano-italiano. Oui. Gloops, bon. Je suis un poisson. Avec la voix de... Avec la voix de Jesse Pinkman. Aaron Paul. Ouais. Et quand il est enfant, il a doublé un perso dans Gloops, Je suis un poisson. Excellent. C'est trop bien. Après. Et après, on a fait le quiz là. On vient de terminer le quiz. Et là, c'est le morning. Vous êtes toutes et tous en direct. On parle. C'est du rap time où il était tout seul. T'écoutes pas. Et voilà, on est tous là pour vous accueillir dans le morning. Ouais. De quoi vous voulez parler Moi, j'aimerais bien parler d'un truc qu'on n'a pas parlé encore, c'est de la COP 21 qui se passe en ce moment. Exactement, la COP 21. Non, vraiment, je trouve qu'il y a un truc qui est dégueulasse dans le monde. C'est quoi? C'est... je me souviens plus. Non, ce qui est dégueulasse quand même dans le monde, c'est un peu l'humanité quand même. Moi, je me dégoûte parfois de moi-même. Ouais, mais t'y es pour rien, tu vois. Ouais, mais c'est un peu dégueulasse, tu vois. C'est le principe, en fait. C'est que tu peux pas trouver qu'il y a des choses bien dans le monde si on n'est pas tout le temps en train de faire des choses mal. C'est pour ça qu'il y a constamment la guerre, c'est pour ça qu'il y a... Si, en fait, j'ai dévié le sujet. Je comprends pas pourquoi on en voulait au petit Anakin dans Star Wars épisode 1. Il a rien fait, c'est juste un gamin qu'on a payé pour être l'un des héros les plus mythiques de tout l'univers. Et on se permet de le critiquer. Du coup, ce type-là, il vit mal, il se fait battre par ses copains. Et du coup, il bat sa mère et il voit un psy. Et tout le monde se fout de sa gueule encore maintenant. Le type, on a ras le cul, ne veut même plus voir de Star Wars de sa vie, il veut même plus en entendre parler. L'acteur oui. Lloyd, le gars qui a joué à Anakin quand il était enfant. Il est devenu tout gros. Il a tabassé sa mère. Ouais, on combat le diabète, bien sûr. Et il est, en fait, il est schizophrène, je crois. Enfin, Star Wars, en gros, il a eu plein de commentaires négatifs. Sur son jeu et tout ça. C'est à cause de Jar Jar Binks, tout ça. Ouais, et en partie à cause de Jar Jar Binks. Et du coup, ils étaient pas contents et ça a mal fini. Et du coup, il est devenu fou. Il est devenu complètement taré. Ouais, il est devenu comme les deux petites filles dans Shining. Il est devenu un boule, ouais. Are you an angel? Il est devenu ma boule. Voilà. Après, voilà. De quoi allons-nous parler dans cette matinale? Je sais pas. Je pense que le sujet, c'est comment on trouve un sujet. Le sujet, alors très facile. Il est 7h. Je vous propose d'appeler une personne maintenant, quitte à le réveiller, et lui demander quel est son podcast préféré. Si son podcast préféré, c'est La Nuit Anonyme, alors on lui donne une cacahuète. On lui donne une cacahuète? Moi, je pensais lui offrir une brique. Un million de briques? Non. Un million de briques? Comment aider? Ok, cowboy. Cowboy. Est-ce que vous voulez une petite charade? Non. Non, je pense qu'on peut commencer. Non, tu non. Tu vas appeler quelqu'un? Moi, j'ai pas mon portable. Ah, du coup, tu veux le mien ou pas? Oui, je veux bien le tien. Alors, nous allons tous penser un numéro à deux chiffres dans nos têtes. Comme nous sommes exactement le nombre... Non, on n'est pas le nombre qu'il faut pour on faire. On n'est pas du tout le nombre qu'il faut pour faire le numéro. Eh bah, ben, vous allez penser à. Un chiffre et demi. Un chiffre et demi chacun. Vous allez dire 1, quelque chose ou quelque chose, quelque chose. Là, il est 6h54, du coup, je pense qu'on peut attendre un petit peu, genre 7h05 avant d'appeler, parce que là, oui. Ça, c'est abusé. Ou alors, on appelle une boulangerie. Non, mais appelle une entreprise. Attends, je vais chercher une entreprise. Oui. Je te donne le numéro. Oui, bien sûr. Tu veux que j'appelle quoi, une boulangerie? Oui. S'il vous plaît. Tu me donnes le nom. Allô Sylvie, je suis bien la boulangerie. Voilà, on vous appelle parce qu'on a donné votre adresse. Quel est votre podcast préféré? Et non, c'était La Nuit Anonyme. Et franchement, je pourrais faire animateur de radio, je le pense. Pas du tout. Est-ce que tu peux faire gagner 3 fois mon salaire? Il n'est pas Camille Combal, il ne sait pas tout faire. Alors Camille, alors Sylvie, je vous passe, je vous raccroche. Il y a... Comment il s'appelle celui qui s'occupe du standard? On va l'appeler Mehdi. Ça, c'est toujours un... Enfin, du Skyrock, il me semble qu'il s'appelle Mehdi. J'en sais rien du tout. Allez, boucherie, pâtisserie à Paris. Yes! Alors, dis-moi. Boucherie, pâtisserie. Ouais, boucherie, pâtisserie, les deux. Boucherie, un millefeuille aux côtes d'agneau. Pour vos petits enfants. Ah oui, merde, appelé en masqué. Comment tu fais? Pain au chocolat, la saucisse. Bah, tu vas sur l'ordinateur et tu demandes à ton ordinateur comment appeler en masqué avec un portable iPhone sur tel opérateur. Non, il doit bien avoir ça dans les paramètres, mon petit. On va regarder ça tout de suite. Et si la personne vous répond oui, qu'est-ce que vous lui dites? Si tu réponds oui, à quel... Eh ben, on lui passe notre standard. Ah, je croyais que c'était la recherche de stage, pardon. Pas encore. Il faut faire dièse 31 dièse. Dièse 31, putain de dièse, c'est et parti. On appelle la baguette le magique. Le dièse, le dièse, le dièse, c'est bien l'étoile ou c'est l'autre? C'est le hashtag. Ouais. Ah, 31 dièse. Et c'est quoi le numéro? Alors, on appelle la baguette magique, c'est une boulangerie-pâtisserie. Donc, c'est un artisan qui est. Oui, et tu peux me dire le numéro? Bah, je suis en train de le chercher. Ah, d'accord, excuse-moi, je pensais que tu faisais autre chose. C'est 01 oui. 43 oui. 87 oui. 68 95. Victor appelle la... Donc c'est la baguette magique, hein, alors, le nom. Mais si tu dis, je sais, c'est facile de le retrouver. Alors aussi. C'est parti, je vais mettre en haut-parleur du coup, tout le monde se tait. Allez, baguette magique, il faut que tu nous répondes. Sinon, il va être trop tard. Baguette magique, ça sonne. Cours, cours, attraper le téléphone. Allez, tu peux le faire, baguette magique. Utilise tes pouvoirs magiques. Ah, il n'a l'air d'avoir personne. On raccroche. Tant pis, baguette magique n'a pas gagné une cacahuète. Déçu. Est-ce que tu veux qu'on tente une autre boulangerie? Oui, s'il te plaît. Alors, on appelle tout de suite l'atelier des pains et compagnie. L'atelier c'est des toujours une boulangerie sur Paris. Alors, je te dis... C'est ouais, bon, au pire, c'est pas grave. Hein. Et, alors, n'annonce pas les numéros des gens à l'antenne, oui, s'il d'accord, te plaît, okay. Même s'ils sont dans les pages jaunes. Okay. Alors, c'est 01, donc tu fais 10, ouais, c'est bon. 91. C'est parti. Tu m'as dit que c'était quoi? C'était l'atelier des pains. L'atelier des pains. Et c'est parti. Oui, j'ai bien compris, Dadev. L'atelier des pains, si tu nous entends, réponds-nous. Il n'y a personne. Aucune. Putain, les Français ne travaillent pas le samedi matin. Et nous, on est levés depuis je sais pas quelle heure. Ce qu'on peut faire, c'est appeler des gens de notre classe aussi. Ouais, c'est marrant. C'est plus drôle. Ouais. On va faire ça? Allez, on va demander. On va réveiller qui à cette heure-ci? Sophie. Elle doit pas être loin. On peut réveiller Jordan et Théo. J'ai pas leur numéro. Alors, quelle est ta radio préférée? Attendez, quelqu'un va me filer le truc de Jordan, s'il vous plaît. J'ai peut-être pas Jordan, mais j'ai Théo, c'est sûr. Ah si, j'ai toujours essayé. Ah bah c'est bon, elle a 06. Ah, mon réveil sonne. 7h. Ding dong dong. Alors, est-ce que t'es prêt? Oui, je suis prêt. 06-18. Non mais annonce pas son numéro sur internet, tu vois, c'est dangereux. Bah ouais, ouais. J'avoue. Tu sais que ça s'entend là? Ouais, grave. 42, c'est bon. 13. Alors j'appelle mon autre ami Jordan. Alors. Qui voudrait l'avoir au téléphone? Il n'y a que moi, c'est bon? Ouais, vas-y. Vas-y. Fais ton truc. Ça. Oui, moi aussi. On va faire 50 numéros avant d'avoir une personne au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, bienvenue sur ma messagerie. Ah, on peut lui laisser un message? Non, on ne laissera aucun message. Oh. Aucune trace de cette nuit Tout ce qui reste à la nuit reste à la nuit. Est-ce que vous avez un autre numéro de personne qui pourrait répondre à cette heure-ci? Moi j'ai Belno. Mais j'ai Sophie. Quelqu'un à la copine de Monsieur Théo? Oh non. La copine de Monsieur Théo. Oh, dingue. Attends, le troll des cavernes. Ah non, c'est pas lui. Non, non. Pendant ce temps-là, je cherche des numéros de boucherie à appeler. Bah ouais, j'ai pas de nous. J'ai le numéro d'Axel. Non, Axel, il faut le laisser dormir. J'ai le numéro de Brice. J'ai le numéro de Charles. Si tu veux, on peut appeler une boucherie qui s'appelle À l'étal Limousin. À l'étal Limousin. Vas-y, dis-moi ça. Attends, je te donne le numéro. En vrai, si vous avez des gens marrants... C'est une boucherie charcuterie, alors... Tu le vois le numéro ou pas? Non. Ah, on peut pas appeler Caroline. Attends, on peut appeler Caroline sinon. Elle est, non, elle non, est tu vas raquer du téléphone. Ah oui, c'est vrai. Tiens, je vais te laisser taper avec ton téléphone. Je suis pas obligé d'appeler, moi je veux bien laisser ma place hein, s'il le faut, hein, s'il y en a qui veulent rigoler un peu au téléphone. On peut appeler Clara. Oui, on peut appeler Clara. Et je pense qu'elle va tous vous taper. Mais non, on peut appeler des gens qu'on n'aime pas. Qui veut appeler Zéphyr? Mais arrête d'être méchant. On appelle à l'étal Limousin. C'est parti. Est-ce qu'ils vont répondre? Ça va, t'entends? Allez, l'étal Limousin, il te reste plus que quelques secondes. On va laisser encore 4 sonneries. Ça fait déjà une de passer. 2 sonneries. Personne ne veut gagner de cacahuètes, c'est un peu dramatique. C'est tout dramatique ça. Tout ça. Ah mince, j'ai quitté. Excusez-moi. Tiens. Est-ce que Victor, ça c'est toi? Non. Ah, gendarme, terminé vers 7h30 et enchaîné avec la vie substance. Ok, donc du coup, bon, on a encore 20 minutes à meubler. Est-ce que tu penses qu'on peut lancer le jeu Moi, Là, on lance le jeu du stage? Le jeu du stage, c'est mais parti. Vu que personne ne répond, tout le monde dort. Ok, est-ce que quelqu'un a des numéros à nous filer pour le stage? Vous pouvez appeler ma boîte si vous le voulez. Bah moi, non. Moi, ils y sont pas encore. Hein, ils commencent tous à 9h. Bah moi, il y a personne dans les deux miens. Moi, je propose d'appeler Jean-Louis Melen. Spoiler. j'en ai 2-3 moi aussi là-dedans. Moi aussi, j'en ai plein, mais. Mais le problème, c'est qu'ils ne bossent pas maintenant. Quoi. Est-ce que vous avez des sociétés de nuit? Sociétés de nuit, est-ce qu'on peut appeler une prison, s'il te plaît? Est-ce que tu penses qu'on appelle un centre commercial? C'est ouvert à cette heure-là ou pas? Oui, tu peux appeler un standard, sinon, qui n'est pas cher. Enfin, vous avez qu'à appeler genre un service client. Ouais, ce que je dis, un standard. Ouais, mais c'est payant, tous ces trucs-là. Ouais. Un numéro vert. Ok, est-ce que vous voulez appeler, alors en fait parce qu'il y a un standard, est-ce que vous voulez appeler une grande chaîne? Oui, on demande à France 2 si elle veut bien. Nous. Parce qu'en fait c'est ouvert toute la nuit, il y a forcément des gens là-bas pour gérer le standard. Attends, est-ce que si tu veux qu'on termine le jeu sur un appel concluant, est-ce que tu veux que je tente un coup de fil? Yes, j'aime cet entrain, ils ne savent pas ce qu'on doit faire, on doit concrétiser un soutage. Et ce sautage, on en a besoin. Parce qu'en tant qu'intermittent, que futur intermittent, spoiler, je sais pas, mais... On appelle donc Axel. Mais pas... Non, c'est un... Allô? Ah, il a éteint son téléphone. Le bougre. Tant pis, personne ne veut répondre à la mienne. Personne ne va gagner la cacahuète. C'est pas grave. Tiens, je te rends ton téléphone. Non, merci, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'ils se passe à Gotham City? Qu'est-ce qui se passe dans les matinales, généralement? On met des chansons nulles. Des chansons nulles. Alors moi, je propose de mettre une petite chanson qui s'appelle...

McDo petit-déj. On peut appeler la police hein, s'il faut. On peut appeler un hôtel Ibis plutôt. On peut appeler un hôtel Ibis. On peut appeler des taxis. On peut appeler plein de monde. Il y a plein de gens. Ils sont ouverts toute la night. On peut appeler des hôpitaux aussi. Toute la night. On peut appeler les hôpitaux. On peut appeler les prêtres aussi. Est-ce que vous voulez appeler Donald McDonald? C'est un mec qui habite Saint-Georges-d'Oléron. Oh, c'est à côté de chez moi. Ses parents sont des gros fils de pute, quand même. Je suis désolé. On appelle lequel de McDo à Paris? Celui qui est ouvert à 24 heures sur 24. C'est pas... Le premier. Allez, yeah. Est-ce qu'on appelle celui des champs? Ouais, allez. Raphaël, tu vas trouver un stage en audiovisuel chez McDo. Si tu arrives, je te donne. Tu le fais ou je le fais? Tu le fais. Après, c'est à moi. Tu peux appeler Air Production, peut-être. Ah oui, mais je pense qu'ils sont fermés, les bouts. Yes. On appelle le McDo des Champs-Élysées. Le McDo des Champs-Élysées. C'est. T'es en 31, c'est 31. Ouais, je pense qu'on a été rejeté de la ligne, malheureusement. Et qu'on va dire sombrer. Au revoir au McDo Champs-Élysées. Au revoir, McDo. Au revoir. Il nous faut trouver un numéro, au moins, un qui répond. Mais je vous ai dit, essayez d'appeler hôtel. Ah, bah non, vous voulez pas appeler des gens, vous voulez appeler un hôtel, c'est sûr, ils vont répondre. Veux faire un stage en hôtellerie? Vas-y. Vas-y, je te trouve un Ibis. Tu veux un Ibis ou un 4 étoiles? Un Carlston. À Carlston. À Carlston. Le mec de Soprano, dans la musique de Soprano. Oui. Oui. Ah oui, moi. Mais oui, bien sûr. Ah, par contre, moi, je suis à une poignée de main de Kev Adams. Je pense qu'on peut lancer un jeu, c'est de savoir combien de poignées de main de personnalités nulles on est. Pendant qu'on meuble. Ah, c'est l'heure de 9h. Pour 9h. Ouais, mais moi je serais plus là à 9h. Oh, tu vas où? Je pourrais pas dire genre vous êtes tous à une poignée de main. Moi j'ai juste serré la main à Schwarzy. On appelle pardon le Ibis Style de Paris-Bercy. Ouais. Est-ce que je te fais le t'es numéro tombé, je suis le standard. Ah ouais non. N'oublie pas que c'est filmé Lina. Franchement. Life. Tiens, je te laisse appeler l'Ibis. Okay. Donc c'est bien l'Ibis Style de Paris-Bercy. Yo, Ibis Style. Et en haut-parleur. C'est fait, man. Voilà, c'est fait. C'est la pause 21. Je pense que c'est le numéro masqué qui fait peur aux gens. Il bloque tout appel. Non, ça décrochera pas. Bon, on a loupé toute une heure de matinale. Zut, notre jeu, il était parfait. Mince. Bon, il nous reste. Merci les gars. On a plus d'identité après. C'est fini. C'était une super France Télévisions. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 15 minutes? Moi, je suis à une poignée de main. Exactement, de Kev Adams. Donne-moi le papier. Oui. Qu'y a-t-il? On va pas appeler le service client de Kellogg's. Il y avait un numéro d'urgence pour ce qui s'était passé à Paris. Si non, non, ça, non, c'est pas drôle. Ça, on va p- et c'est pas marrant. Du coup, on va pas. Okay. Il y a un numéro Azur et il dit coût d'un appel local à partir d'un poste fixe. C'est un poste mobile. Est-ce que ça veut dire que ça ne coûte rien? Je pense que ça coûte plus. Telle est la question sinusoïdale de l'anachorète. De l'anachorète. En tout cas, Kellogg's a été approuvé par. Ibis. Inch'Allah. Donc, quoi? Hein? Wow, Galaxy. Wow, je savais même pas. Mais c'est pas marqué. C'est pas marqué Inch'Allah. Ouais, mais c'est parce que je lis mal l'arabe en ce moment. En ce moment, parce que entre septembre et avril, tu vois, ça va. Mais là, à partir de décembre, c'est cassé. Ah ouais, parce qu'il fait froid. C'était une blague, c'était fait exprès. Non. Chameau. Taratata, le chameau de Nagui. On lui fait une petite dédicace. Encore ? Est-ce que vous voulez qu'on appelle une maison de retraite ? Est-ce qu'on tente d'appeler une maison de retraite ? Je suis trop chaud. Je suis trop chaud. Ah ouais. On peut pas aller à la numéro. Putain, mais il y a personne qui va nous répondre. Possible. Désespoir. Dors. Alors, tu veux quoi ? C'est toi qui appelles ou c'est moi ? C'est toi, c'est toi. Je suis un aide-soignant et je voulais travailler. Ouais, ouais, je cherche un stage. Est-ce voilà, que, t'es à Polytech Lille. T'as d'autres particularités en même temps que t'appelles ou pas ? Comment ? T'as d'autres particularités en même temps que t'appelles ou pas ? Non. D'accord. Mais non, mais tu dis que t'es à Polytech Lille et que tu cherches à faire un stage en entreprise et que c'était tu voulais le faire dans le boulot de ta mamie. Et que t'as que le créneau de 7 heures pour appeler les gens. Ça me Après, ma carte SIM, elle est coincée après, je peux plus appeler. C'est que entre 6h et 7h. De maison de retraite en France sur les pages jaunes, c'est la folie. Que 12 pages ? Là, je trouve que c'est pas beaucoup. Non, mais c'est un truc privé là. Ah, voilà. Ah. Je pense qu'on va appeler la résidence de Sèvres qui est à Paris. C'est pas drôle, les bros rigolent. Genre, c'est trop marrant. Victor, il s'est fait un cache-œil avec son micro, quoi, tellement il a honte. C'est une bonne blague, je trouve. Ça va leur faire. Si ça marche, tu dois aussi appeler une. Je voudrais une sève, s'il vous plaît. Une 16 ? Non, on a que de la Heineken. Mais non, c'est une 16 pour m'asseoir. Voilà. Si vous avez suivi la nuit anonyme plus tôt, Sèvres. C'était la blague de Mathias. Ouais. Rémi ne me répond pas. C'est parti pour rue de Sèvres. Résidence de Sèvres. Bon. Je suis bien rue de Sèvres. Patientez quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. Yeah! Petite musique. On peut appeler là. Allô. Allô, oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle. En fait, je suis étudiant en infirmerie et en fait, j'aimerais me spécialiser avec les personnes âgées. Et du coup, j'aimerais savoir si vous preniez des stagiaires ou pas. Bah écoutez, mais c'est déjà fait dimanche. Moi, je peux pas vous dire. Non, on n'est pas dimanche, on est samedi. Aujourd'hui, la directrice non, essayez de rappeler lundi, vous allez voir avec la directrice. Mais d'accord. Ok. Mais on était samedi, madame, désolé, je sais que vous avez des décalages horaires. Ouais, mais le samedi, elle n'est pas là, la directrice. Ah, ok. Ah, et dommage. Mais vous prenez des stagiaires d'habitude Normalement. Donc, normalement, ça. On a des stagiaires, mais je ne peux pas vous dire est-ce qu'ils prennent encore des stagiaires ou pas. Rappelez. Ok. Et défendez votre carte. D'accord, bah, je vous remercie alors. Je vous en prie. Bon courage, au revoir. C'est-à-dire. Pour le on en appelle une autre. Vas-y. De retraite, ça marche bien. Ça marche pour les maisons de retraite. Ça marche bien, ils répondent. Qu'est-ce qu'il veut. Ou alors on peut appeler et tu dis oui, bonjour, je voudrais le numéro de la chambre de monsieur machin. Et on parle à un vieux. Et si elle te dit qu'il n'est pas là, tu dis bah si, on m'a donné ce numéro. C'est là, c'est mon grand-père, fait, je suis sûr qu'il est là. Pourtant, on va appeler la résidence du Marais. Ah, tous les chicos. Rue Barbette. Et tu t'obstines, tu dis mais alors, si, on m'a donné ce numéro. Et tu veux tomber sur le standard ou pas? Ouais, j'ai pas la flemme. J'ai pas le faire. Oh, t'es sérieux? Non, mais vas-y, parle, Victor. Non, j'ai la flemme. Mais c'est un concours. Moi, tu es en train de perdre. Tu trouveras jamais de stage. Tu trouveras jamais de stage. Ouais, qu'est-ce qu'on attribue comme prix d'ailleurs à Raphaël en tant que public? Ça, si jamais il arrive à avoir un stage, c'est chaud. C'est trop fort. Je suis trop fort. On appelle, c'est quoi la résidence du Marais? Les mêmes, c'est tous leur même modèle. Allô, oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle. Voilà, je suis étudiant en infirmerie, tout ça, en soins aux personnes. Et j'aimerais me spécialiser avec le travail avec les personnes âgées. Et du coup, j'ai besoin de faire un stage. Vous pouvez téléphoner à partir de 9h, 9h30. Ah, excusez-moi, non, mais c'est pas... À partir de 9h, 9h30. Ah, ok, excusez-moi. Je vous en prie. Bah, bon courage, alors, bonne journée. Au revoir. Ah, mais le gars, tu sentais qu'il avait pas envie de faire ça. Il s'est dit, oh putain, le stage, oh je vais réaliser ça, il va pas rappeler. Donc, est-ce qu'on tente la troisième raison de retraite ou pas? Oui. Mais tu trouves une avec un nom drôle. Mathias, est-ce que tu veux faire. Non, tu veux pas? C'est n'importe quoi. Je veux que Raph décroche un stage. Ah ouais, moi j'ai vraiment envie. Hein. Non, mais dis-moi, tu peux me promettre. Tu sais, il faut que tu forces la chose. Ah bah, je pense que ça va être faisable. Il est trop content. Il est trop content. Les maisons de retraite, c'est n'importe quoi. C'est génial. Qui a eu cette idée déjà? Ouais, ça marche. C'était une trop bonne idée. On appelle la Villa Saint-Romain. Ah ouais. Qui est rue Saint-Romain à Paris. Oh. Amazing. Ah, et comme vous pouvez le voir sur la photo, en fait, c'est des mains de vieux qui jouent au jeu de l'Othello là, avec les ronds noirs et blancs. Ah oh merde, là, c'est fou. Ah là là. Il est trop content. J'ai trouvé ce stage. Hein. Est-ce qu'il y aura une petite musique d'attente? Il n'y a plus de meubles, c'est fini. On attend. C'est fini, c'est le vide. C'est Gravity, quoi. Bah. On s'y attendait. C'est toujours la même musique, non? Ouais. Mais t'excuses pas, tu dis non, je veux un stage, tu veux. Force ta chose. Ils vont bien commencer leur journée, tu vois. On dirait un peu la musique dans Super Mario 64. Quand les étoiles. Oh putain, je crois qu'il répondait. J'ai trop peur. Pas très réactif. Allô, oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle. Voilà, je suis étudiant en infirmerie aux soins des personnes. Et j'aimerais me spécialiser sur. Enfin, travailler avec les personnes âgées. Du coup, je cherche un stage. Est-ce que je. Enfin, vous savez à qui je peux m'adresser Vous cherchez un stage, monsieur? Oui, un stage, oui. Ah, écoutez, à cette heure-là, c'est un peu pas possible parce que c'est toujours le service de nuit, donc il faut appeler à partir de. À partir de 13h après-midi. Ah, d'accord. Mais vous travaillez avec des stagiaires ou tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire que c'est. Je suis en bonne voie si je postule chez vous? Non, ou... il faut voir avec la direction. Voilà. Ah d'accord, bah, excusez-moi. À 13h à peu près. Ah oh, d'accord. Ah, je vous remercie. Voilà, au revoir. Au revoir. Il fallait dire, ah bah non mais 13h je peux pas jouer. Attends, voilà. Ah bah, on trouvera jamais de stage, hein, bon sang de bonsoir. Qu'est-ce qu'il est difficile de trouver un stage, ça y est, on l'a... On a la preuve. On a la preuve que c'est difficile. Faut appeler à 13h. Alors que franchement, je fais l'effort de me lever et tout pour appeler les gens super tôt. Putain. Est-ce que tu veux qu'on tente d'appeler une prison? Moi, je suis chaud. Non, je vais m'appeler de prison. Attends, t'as toilettes, mais vous m'attendez pour celui-là. Non, tu veux trouver un stage où? Est-ce que si on retente... Attends, j'ai envie de retenter une boucherie, là. Il est 7h30, je pense que c'est faisable. Je suis chaud pour une boucherie, moi. Ouais, vas-y, boucherie. Vas-y, attends, je cherche. 5 minutes. Mais non. Bon, mais c'est possible, je pense, d'avoir un stage dans une maison de retraite. Oh, okay. Le premier, il avait l'air vachement chaud pour que je vienne. Hein. Il était au taquet. Ah merde. On appelle la boucherie des moines. Et après, j'appelle une photo de vache sur le truc de la après j'appelle une abbaye. Je dis que j'aimerais bien, j'ai fait une formation en brasserie et j'aimerais bien intégrer une, il faudrait que je fasse un stage conventionné. Il y a le 06 du gars, non, je vais pas le réveiller. Ou j'appelle T'appelles, je te laisse. T'as l'air hypé par ça, tu t'excuses tout le temps. Oui, allô, oui, je suis bien à la boucherie des moines. Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis en étude de boucherie et du coup, là, dans le cadre de ma formation, je dois chercher un stage. Et donc, du coup, j'aurais aimé savoir si vous preniez des stagiaires ou des apprentis ou. Moi, je vais être complet en stagiaire. Genre, vous êtes. Là, en décembre. Ce serait pour la période de février à attendez je regarde à mars, c'est début février et fin mars. Ça va pas aller déjà. Ah mince. Et ok, est-ce que vous avez des autres adresses, enfin des collègues ou pas, qui cherchent des stagiaires? Là dans le coin, je suis pas connaissant de si j'ai des collègues qui cherchent. Ah ok, ouais. Ah tant pis, bah je rechercherai alors, c'est gentil. Je vous remercie. Au revoir. Entendu. Oui, allons. Oui, allons. Est-ce qu'on tente une dernière? Ouais. Il est trop chaud. C'est son heure préférée. Mais j'adore en vrai. Je pense qu'on va pas faire les substances. On appelle les viandes du champ de Mars. Ah putain, mais tu peux aller appeler la brasserie des sources aussi. Putain, on aurait dû appeler l'Elysée. Oui, non. Ouais, on a le raid en bas. Oui, non. Il a failli avoir un stage. Et le monsieur, ils sont grave gentils en vrai, les gens. Ouais. Attends, on en essaye. C'est quoi là? La boucherie sans eau. C'est les viandes du champ de Mars. Mais non, ça va, c'est carrément faisable. Allô, oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle. Je suis en apprenti en boucherie. Et du coup, j'aurais aimé savoir si vous preniez des stagiaires. Je suis à l'école, en fait, je suis étudiant, je suis en boucherie. Et du coup, dans le cadre de ma formation, je dois effectuer un stage. Et du coup, j'aurais aimé savoir si vous preniez des stagiaires ou non. Ouais, déjà, on ne peut pas appeler un samedi matin parce que j'ai autre chose à faire un samedi matin pour ce genre de choses. Ah ok, bah excusez-moi, c'est parce que j'ai pas le temps. Ok. Ah ok, bah je vous envoie un CV. La semaine prochaine, entre le mardi et le jeudi, puis je vous recevrai 5 minutes. Ok. D'accord. D'accord, pas de problème. Allez, merci. Je vous remercie. Au revoir, excusez-moi encore. Oh. Ouais, il m'a zarave, le gars. Ouais, ça se passe pas comme ça, mon petit père. Hein. Tu sentais que le mec était un entretien. Ah ouais. Ouais, mais j'ai un entretien. J'ai quoi, entre mardi et jeudi, il m'attend. Ah hein. Oh, merde, c'est trop chaud. On peut appeler juste une prison. Et non, appelle pas de prison. S'il te plaît. Non. Ouais. Après, ils vont venir et tout. Ah, il est dead. Non, il faudrait appeler un truc hype, tu vois. Genre. Est-ce que tu veux qu'on appelle une discothèque pour voir si c'est encore ouvert? Oui. On appelle une discothèque, si tu veux. Tu vas appeler une discothèque, toi. Ouais. Tu fais. Oui. Qu'est-ce que tu demandes? Un stage? Ouais, un stage. Genre, je fais des études en discothèque. Ouais, en serveur. En hôtellerie, tu dis que tu es en hôtellerie et tu veux être dans le bar. Oui, voilà, je suis en hôtellerie à l'arrêt Montebello. Par contre, là, vu que c'est des discothèques, on va avoir des noms de dingue. Hein. Enfin, le premier, c'est le Memphis. Yes. C'est drôle. Ça sert à quoi ce petit câble rose là ? Ça m'épate depuis le début. C'est le micro. Bon. Victor appelle le Memphis et après. J'aurais été heureuse de descendre à cet arrêt de métro tous les jours. Bonne nouvelle. Victor. Victor appelle le Memphis. Peut-être la musique qui va trop fort. Hein. Ils n'entendent pas le téléphone. C'était des soirées mousse, il y a de la mousse sur le téléphone. Ouais. Je le trouve. Ah, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut raccrocher. Oui, oui, oui. Tu peux appeler le Smile à Lille si tu veux. Grand gagnant. Non, je pense qu'on peut désigner le grand gagnant. Ok, c'est moi. Je pense que c'est Raph. Bravo. On n'a pas réussi à décrocher de stage. Mais au moins, j'ai des entretiens. Mais au moins, il a un entretien. C'est déjà ça. La semaine pro. Ouais, il va être trop zaraf le mec. Eh ben, je suis content d'avoir fait un euro. Pépère, ça se passe pas comme ça. Je suis pas comme ça, la barbaque, c'est sacré. Oui, alors. Oui, alors. Voilà, le morning. C'était un bon morning. C'était un bon morning, un peu du mal à démarrer, mais une fois que les ordres de retraite ont bien marrant, c'était la folie, putain. Waouh. Écoutez pas de la merde, écoutez-nous. Voilà.